Chapitre 4. Maurice et Lucien avaient quitté les tilleuls quelque temps après le départ de leur père. Ils s'étaient rendus dans un château voisin, au Colombier, appartenant aux parents de l'un de leurs condisciples de la rue des Postes. Invités à passer la journée, ils ne devaient revenir aux tilleuls que pour le dîner. Vers 5 heures, l'orage cessa tout à coup. Le vent s'est élevé du côté de l'ouest, balayant devant lui les nuages lugubres et le ciel, lavé maintenant, d'un bleu turquoise très fin, un peu passé, ramenait la gaieté dans la campagne. Les oiseaux, sortant de leurs abris, reprenaient leur chanson avant le coucher. Les rayons d'un soleil très pâle accrochaient cependant des reflets de pierreries aux brindilles d'herbe de la pelouse, aussi bien qu'aux feuilles mouillées des arbres. Le petit panier, attelé d'un poney, qui avait emmené les jeunes gens, passa la grille du château et s'arrêta devant le vestibule. Le groom vint se placer à la figure du cheval, et les deux frères entrèrent dans la maison. Ils apprirent, par leur sœur, la catastrophe survenue pendant leur absence et la conduite courageuse de Valère. Malgré la demande qu'on leur avait faite de ne marcher qu'avec précaution devant la chambre de leur mère, le bruit de leurs pas, quoique très étouffé, fut perçu par la malade. Madame de Soutis s'étira longuement, ouvrit ses yeux, qui rencontraient d'abord le regard de Mademoiselle Breton. Le drame alors dont elle avait été le témoin quelques heures auparavant reparut aussitôt à son esprit. Sans proférer une parole, un sanglot la secoua tout entière, et mettant les mains devant son visage, elle répandit des larmes abondantes. Julie, qui n'avait pas oublié le regard farouche et haineux de la malade au moment où elle était tombée raide sur le gazon bordant la pièce d'eau, s'approcha d'elle et tenta de lui prendre les mains. Madame de Soutis la repoussa doucement. « Laissez-moi pleurer, pleurez seule. Votre présence et vos soins me rappellent encore plus vivement l'ange que j'ai perdu et qui devrait être à la place où vous êtes. Tout ce que je puis faire, c'est de ne point vous haïr éternellement. Laissez-moi pleurer. » Julie devint pâle, essaya quelque temps de maîtriser son émotion, mais le chagrin fut plus fort qu'elle, et à son tour, elle fondit en larmes. Elle pleura non point la perte de l'affection de celle qui l'accusait de la mort de son enfant, mais l'écroulement subi de projets si doucement caressés, si péniblement échafaudés, écroulement qui entraînait avec lui toute son influence. Elle se rendait bien compte que, lors même que la marquise saurait que sa chère Marguerite avait échappé, grâce à Valère, à une mort certaine, cette femme altière, à l'énergie de vieille race, n'oublierait jamais. N'était-ce pas Julie, en effet, la cause de la terrible émotion à laquelle elle aurait pu succomber? N'était-ce pas elle qui avait proposé cette malheureuse promenade sur l'étang? Alors, à son tour, changeant brusquement, elle se prit à détester cette femme. Ses larmes cessèrent immédiatement, et docile au conseil du docteur, elle entreprit, malgré la façon dont elle était repoussée, d'annoncer, sans brusque transition, la bonne nouvelle qu'elle aurait si volontiers brutalement jetée en réponse à l'affront qu'elle venait de subir. Elle reprit donc son empire, se disant que si les sentiments de la marquise avaient changé à son endroit, il n'en serait pas de même pour ceux qu'elle avait marqués à son frère. C'est grâce à Valère, après tout, à son intrépidité, que Marguerite lui était rendue. « Devant votre désespoir si justifié, fit-elle, je n'ai pas, madame, le triste courage de vous parler de ma douleur. Elle se complète, hélas, pour moi, d'un remords qui n'aura de fin qu'avec ma vie. Mais je ne veux pas me retirer sans tenter un suprême adoucissement à votre désespoir. Il n'y a pas d'adoucissement possible à de pareilles douleurs. Le seul vœu que je puisse faire pour vous, c'est que plus tard, à votre tour, quand vous serez mère, vous ne perdiez pas, comme je l'ai perdue, la plus chaste et la meilleure des filles. Pauvre, pauvre Marguerite, et pauvre moi. » Mais, madame la marquise, reprit Julie, permettez au moins à une malheureuse, qui n'a reçu de vous que des bontés maternelles, de ne pas quitter cette maison sans implorer votre pardon. Vous êtes trop pieuse pour n'avoir point pitié de moi. D'ailleurs, Dieu, qui fait des miracles, n'a pas complètement abandonné votre enfant. » À ces mots, madame de Soutis se releva et, comme folle, « Marguerite n'est pas morte ?»« Marguerite, au dire du médecin, peut encore être sauvée. Je veux la voir. » Et écartant les couvertures, elle voulut se précipiter hors de son lit, mais ses forces la trahirent et elle retomba désespérée sur les oreillers. Une nouvelle crise de sanglots commença, interrompue par des phrases prouvant que l'espérance était entrée dans ce cœur meurtri. Julie, muette, regardait couler ses larmes, satisfaite cependant d'avoir évité la secousse mentale que craignait le docteur, satisfaite aussi d'avoir accompli une partie de sa tâche. Lorsqu'elle vit la marquise un peu plus calme, elle reprit « Oui, Dieu fait des miracles. Peut-être ne veut-il pas rappeler déjà lui une créature faite d'amour et de bonté, et la destine-t-il à continuer sur cette terre le rôle d'ange bienfaisant auquel elle semblait destinée ?»« Mais enfin, qu'a dit le docteur ?»« Le docteur, madame, a répondu que Marguerite était à un âge où la jeunesse fait plus que la science et que, tant qu'un malade respirait encore, on ne pouvait le condamner. » Mais que s'est-il donc passé, Julie? Voyons, parlez, vous me faites mourir. » Lorsque Valère a quitté la pièce d'eau, chargée de son précieux fardeau, nous avons monté votre chère fille dans sa chambre et l'avons déposée sur son lit. Elle semblait dormir. Mon frère, sans changer de vêtements, a fait seller un cheval et est parti pour Saint-Lambert au triple galop. Il a heureusement rencontré le médecin qui lui a promis de venir immédiatement. Il l'a tenu au courant de ce qui s'était passé, de l'épouvantable événement dont vous étiez toutes deux victimes. Pendant son absence, j'ai déshabillé Marguerite. À ma grande joie, pendant que je procédais à ce soin, j'ai senti battre son cœur. Elle vivait. La femme de chambre et moi lui avons fait un lit bien chaud, et lorsque le docteur est arrivé, il a constaté que l'organisme reprenait doucement ses fonctions. Le visage de Madame de Souty s'illuminait au fur et à mesure que parlait la jeune fille. Elle l'interrompit. « Mais alors, elle est sauvée ?»« Vous me trompiez tout à l'heure en me parlant du miracle et d'une lueur d'espoir. » »« Oui, Madame la Marquise, je vous trompais. Mais il le fallait. Votre vie à vous était bien autrement menacée, et c'est par ordre du médecin que j'ai fait ce mensonge. » La malade à ces mots laissa éclater sa joie. « Embrassez-moi, Julie. C'est moi maintenant qui sollicite votre pardon. » Mademoiselle Breton s'approcha du lit et tendit son front. On avait bien recommandé, madame, après la crise nerveuse qui vous a tenu 2 heures durant dans un état voisin de la léthargie, de ne vous dire la bienheureuse nouvelle qu'avec les plus grands ménagements. La joie que vous en auriez ressentie en l'apprenant brusquement, car vous la croyiez morte, eût été plus terrible pour votre esprit que le mal qui avait accablé votre corps. Vous êtes, ma chère Julie, un bon cœur, et je ne sais comment m'acquitter envers vous. La jeune fille allait saisir au vol l'occasion offerte et lui parler de l'amour qui unissait Valère et Marguerite, mais sa prudence habituelle reprit bientôt le dessus. Elle continua son récit. Puisque tout mensonge est devenu maintenant inutile, je puis sans danger vous dire que ma tendre amie, sous l'influence de la chaleur qui la pénétrait, se sentit doucement renaître. Ses joues reprirent une partie de leur éclat. Elle ouvrit doucement les yeux, me sourit, m'attira à elle, m'embrassa, me chargeant, en attendant de le faire elle-même, de remercier mon frère de son courage et de son dévouement. Ensuite, elle se leva, s'habilla seule, elle était guérie. Sa première parole, en ouvrant les yeux, avait été pour vous. Elle ignorait le triste état où vous vous trouviez et se demandait si vous connaissiez la catastrophe. C'est alors que j'ai fait mon apprentissage de mensonge, en lui répondant que vous étiez absente du château au moment où elle s'était produite. N'ayant plus de crainte de ce côté, je me suis établi au pied de votre lit et pendant que je recevais les prescriptions du docteur, Marguerite rejoignait Valère au salon. À présent, pour vous prouver que je ne mens plus, je vais faire cesser vos inquiétudes en appelant auprès de vous la meilleure des filles. Elle se dirigea vers la fenêtre qu'elle ouvrit et appela « Marguerite !» En entendant la voix de son amie, la jeune fille, craignant un danger, monta précipitamment vers la chambre de sa mère. Mais lorsqu'elle eut passé le seuil de la porte et qu'elle l'aperçut assise sur son lit, elle la rejoignit d'un bond. La mère et l'enfant restèrent longtemps embrassés sans proférer une parole. Ce n'était dans la chambre qu'un bruit de baisers donnés et rendus. Maurice et Lucien rejoignirent leur sœur. Valère parut à son tour dans la demi-obscurité du couloir, se tenant sur la réserve et n'osant entrer. Quand Madame de Souty eut caressé ses 3 enfants, Julie intervint pour leur demander de laisser reposer leur mère. « Ordre de la faculté, » dit-elle. La marquise la regardait avec attendrissement lorsqu'elle aperçut Valère dans le cadre de la porte restée ouverte. « Et vous, mon cher ami, que j'allais oublier, vous à qui je dois la joie si grande qu'elle me fait presque mal de revoir ma fille que je croyais morte, venez donc. Votre courage, aussi bien que le dévouement de votre chère sœur, a droit à toute ma reconnaissance. » Étendant ses 2 mains, elle ajouta « Julie et Valère, vous êtes de braves cœurs. Madame Breton est bien heureuse d'avoir des enfants tels que vous. » Après 2 jours de repos, la marquise de Soutis déjeunait avec tous les hôtes de la maison, à l'exception du marquis, retenu à Paris par ses démarches. Il était descendu chez son vieil oncle, le comte de Vernon, tout près d'atteindre sa 82e année. Les jeunes gens avaient jugé à propos de ne pas le prévenir d'un accident sans conséquences fâcheuses. Les relations de Marguerite et de Valère devinrent dès lors ouvertement plus cordiales. Madame de Soutis ne s'en étonna point. Pouvait-il en être autrement? N'était-il point naturel que la jeune fille ne cachât pas la reconnaissance qu'elle avait pour son sauveur? Il en résulta une intimité plus grande. En réalité, Valère conquit une place importante dans la maison. Julie aussi. Maurice et Lucien se sentirent encore plus vivement attirés vers le frère et la sœur. La joie revint à tout ce jeune monde, mais plus intense, avec plus d'abandon. Sans leur différence d'origine, que son orgueil n'oubliait pas, la châtelaine se serait considérée comme mère de deux enfants de plus. Les jeux, les longues promenades, les visites aux pauvres et aux curés reprirent leur cours. Monsieur de Soutis arriva le soir à l'heure du dîner. Lui aussi avait la physionomie souriante. En entrant dans le salon, après les premiers épanchements, avant même qu'on eût le temps de lui raconter la terrible aventure en laquelle sa femme et sa fille avaient failli perdre la vie, il prit la parole. « Mes bons amis, accueillez-moi mieux encore. Mon retour à l'Arche doit faire doublement votre bonheur. J'apporte le rameau désiré, sous les espèces et apparences d'un pli ministériel. Mon cher Valère, j'empoche votre nomination à Rambouillet. » Marguerite, malgré elle, poussa un cri de joie. Le repas du soir se passa dans une conversation générale où tout le monde prenait en même temps la parole. Monsieur de Soutis, qui n'avait point assisté au drame que tout le monde lui contait à la fois, ne l'apprécia que dans ses conséquences. Grâce à Valère, Marguerite était encore de ce monde. Grâce à Julie, la marquise avait échappé à un sérieux danger où sa raison était menacée. Les liens d'amitié qui l'unissaient déjà au frère et à la sœur s'en resserrèrent davantage. D'un commun accord, on décida de faire dire une messe d'action de grâce à l'église du Crétois, et comme les pauvres ne perdaient jamais leurs droits, on résolut de tripler les aumônes et de donner sur la pelouse, entre les grandes allées de Tilleul, un bal où seraient conviés les jeunes gens du pays. Quant à vous, Julie, vous me permettrez bien de vous appeler dorénavant ainsi, fit monsieur de Soutis. Il n'est que de toute justice que vous ayez aussi votre part dans ces réjouissances. Vous allez voir que je ne vous ai point oublié. J'ai rapporté pour vous toute une provision de couleurs, de pinceaux, de palettes, d'huile et de vernis, de toiles, et l'attirail complet d'un paysagiste qui va quelquefois au loin chercher ses sujets. Et sans écouter les remerciements de la jeune fille, il ajouta « Quand commençons-nous notre première étude? Votre professeur très humble n'attend que vos ordres. » Madame Breton reçut le récit détaillé de l'accident survenu sur la pièce d'eau. Madame de Soutis lui fit, en termes émus, les plus sincères éloges de sa fille et de son fils. « Elle garderait éternellement, écrivait-elle, le souvenir de sa chevaleresque action. » Marguerite joignit une lettre à celle de sa mère. Le marquis, enfin, annonça de son côté la nomination de Valère à Rambouillet, et du même coup, insista pour que la chère Madame Breton, dont les démarches devenaient maintenant inutiles, arrivât en hâte au château où tout le monde serait si heureux de la voir. Julie écrivait plus longuement à sa mère. Elle dédaigna de raconter par le menu ce qu'elle appelait froidement un simple fait divers, ni plus ni moins intéressant que ceux qu'on lit dans les journaux, auxquels d'ailleurs Madame Breton s'était empressée de l'adresser. Cette personne avisée trouvait qu'il n'était pas inutile d'imprimer tout cru le courage héroïque de M. Valère Breton, ingénieur des ponts et chaussées, et d'accoler son nom à celui de la noble famille de Soutis. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais Julie s'étendit sur les conséquences de l'événement. Elle ne déguisa pas ses craintes de voir la place qu'elle occupait dans l'esprit de la marquise considérablement diminuée. Elle insista sur le regard haineux que celle-ci lui avait par deux fois lancé. Elle ne l'oublierait jamais. Elle craignait que ses projets d'avenir n'en subissent le contre-coup. Madame Breton, en recevant cette lettre, éprouva une grande contrariété qu'elle ne dissimula pas dans sa réponse. « Ma chère fille, je vois que j'ai eu grand tort de ne pas accepter l'invitation du marquis de Soutis et de te laisser aller seule au tilleul. Ma présence ici était inutile, mais pouvais-je prévoir que le marquis se chargerait, pour ton frère, des démarches que je croyais nécessaires? Je ne pouvais pourtant pas être à la fois au four et au moulin. Cette confession faite, J'en arrive à toi et à la façon légère dont tu as servi notre plan. Mais comment imaginer l'événement qui est survenu? Dans toutes ces affaires, si ta mère avait été auprès de toi, tu aurais agi autrement. Je m'étonne qu'après mes conseils, qui ne t'ont point fait défaut, tu n'aies pas continué dans la voie que je t'avais indiquée. Je sais bien que je t'avais avant et surtout recommandé la prudence et le discernement. Il se produit cependant des occasions qu'on ne rencontre qu'une fois, hélas, et qu'il est nécessaire de saisir par les cheveux. La noyade, par exemple, était unique en son genre. La main de Dieu s'y montrait de la façon la plus évidente, tu n'en as pas profité. Là où il fallait une détermination rapide, tu t'es laissé aller à un sentiment de défiance où je n'ai pas reconnu ma fille. Comment ? Tu as cette chance improbable d'annoncer à une mère que son enfant, qu'elle croyait morte, est vivante, et qu'elle doit la vie à ton frère. Comment cette mère te dit dans l'élan de son cœur qu'elle ne sait de quelle façon témoigner sa reconnaissance et tu n'attrapes pas la balle au bon, et tu ne lui demandes pas de consacrer par un mariage l'amour de Marguerite et de Valère, la tendresse déjà ancienne de celle qui vient d'être sauvée par son sauveur. Tu redoutais sans doute la fierté hautaine de la marquise, l'aversion qu'elle professe pour ceux qui ne sont pas nés comme elle et qu'elle qualifie de bourgeois, avec une certaine pointe de mépris. Il y a des cas, ma chère enfant, où la vanité, quelque ancrée qu'elle soit, disparaît devant l'amour maternel. Si tu avais répondu à la marquise, le seul moyen de reconnaître l'acte héroïque de mon frère est de lui accorder la main de Marguerite, acculée par cette riposte, elle ne pouvait s'en sortir que par un consentement. Était-il possible qu'elle refusât? Enfin, ce qui est fait est fait. Il est oiseux de dire au moment où la voiture a versé que le chemin n'était pas praticable. Il s'agit de tout réparer et de reconstruire notre échafaudage sur un autre plan. Pour cela et avant tout, il est plus que nécessaire que les deux amoureux ne se trahissent point, qu'ils mettent dans leur rapport une circonspection plus grande encore que par le passé. Dis-le à Valère, fais-le comprendre surtout à Marguerite, dont la jeunesse et la naïveté, pour ne pas dire plus, me font peur, je ne te le cache pas. Sois toujours aimable avec la marquise, n'exagère rien, elle est à nous maintenant. La reconnaissance est un fardeau gênant, lourd à porter. Laissons-le lui jusqu'au jour où, à notre tour, nous lui donnerons l'occasion de s'en débarrasser. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut agir, c'est Monsieur de Soutis qui doit faire notre jeu. Je ne veux pas qu'il s'imagine être quitte avec nous, parce qu'il a obtenu le déplacement de ton frère, ce serait trop commode. Il est d'ailleurs trop généreux, trop libéral, trop plongé dans les rêves, pour qu'il songe jamais à nous jeter ce prétexte dans les jambes. Pour arriver à notre but, une occasion s'offre d'elle-même, ne la manque pas celle-là. Tu me dis qu'il va te donner des leçons de peinture, que ces leçons vous obligeront à des tête-à-tête forcés, loin du château. Eh bien, ma fille, enjôle-le plus que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Tu es jeune, tu es jolie, instruite, fine comme une mouche, plus pratique que lui. Va de l'avant. Je m'en rapporte à toi pour t'arrêter à temps. Je lui écris par ce même courrier pour lui annoncer mon arrivée au tilleul dans 10 jours. Je prends prétexte de quelques affaires qui me retiennent à Versailles pour te laisser le champ libre et agir seul. En 8 jours, on fait bien des choses. J'arriverai à point pour assister à la fête champêtre qu'on donne au château. Julie avait commencé ses leçons de peinture lorsqu'elle reçut la lettre de sa mère. Elle partait, dès le matin, en compagnie du marquis, chaussée de bottines solides que surmontaient des guêtres montant jusqu'aux genoux. Portant cotillon court, elle s'en allait, le sac au dos, coiffée d'un chapeau marin, une haute canne d'excursionniste à la main. Charmante en cet accoutrement, elle marchait avec son professeur, admirant les moindres choses que la nature, en ses largesses, prodiguait à leurs yeux, jusqu'à une sorte de carrefour feuillu. Les mousses et les hautes fougères, les chèvrefeuilles et les viornes, les ronces et les épines vinettes, faisaient de ce lieu une sorte de forêt vierge en miniature. Une maison de garde indiquait seule la présence des humains. Des poules picoraient dans son enclos bordé d'échalas. C'était le lieu choisi par M. de Soutis comme sujet d'étude. On faisait halte, ils déployaient leur chevalet, posaient au sol leur sellette à 3 jambes, plaçaient la toile, pressaient les tubes sur la palette et travaillaient, assis tout près l'un de l'autre, de façon à ce que le professeur, en se penchant légèrement, pût jeter un coup d'œil sur l'ébauche incertaine de l'élève. Les maladresses inévitables dans les débuts de Julie comme peintre paysagiste étaient l'occasion de rires continuels. Elle s'appliquait cependant et montrait dans le mélange des couleurs, dans la juxtaposition des tons, une finesse d'œil, une justesse et une compréhension de l'art qui surprenaient son maître. Lorsqu'ils avaient travaillé pendant 2 heures, le garde leur préparait un déjeuner sommaire. Le repas terminé, avec une promenade de quelques instants au courant de laquelle M. de Soutis et Julie se prenaient aux mêmes admirations, comme si chaque fois ils découvraient les richesses d'un monde inexploré, ils reprenaient leur travail jusqu'au moment où sonnait l'heure de quitter le campement et de plier bagages. Un soir, M. de Soutis, après la 5e leçon, venait de rentrer dans sa chambre. Il était seul et s'apprêtait à se mettre au lit. Depuis longtemps, tout dormait dans le château. La flamme de son bougeoir à 2 branches filtrait au travers des volets, en rayures lumineuses qu'on apercevait du parc. Il se promenait de long en large dans la pièce, comme un homme absorbé, et de fait, sa pensée était loin. Il repassait, dans une revue rapide, ses années de jeunesse, toutes remplies de chaudes illusions, et en descendant le cours des années mortes à tout jamais, il arrivait à son mariage, au charme de sa cousine Alix de la Roche-Cesson. Pour la première fois, il se rappela la morgue exagérée de la jeune fille, son piétisme, qu'il avait à peine entrevu. Devenue femme et mère, ces 2 tendances n'avaient fait qu'augmenter. Elle tombait maintenant en parfait désaccord avec ses préférences politiques. Il l'aurait souhaité tout aussi charitable, mais avec des idées moins arrêtées. Pourquoi son libéralisme en souffrait-il? À quel propos, sans transition apparente, son esprit se reporta-t-il sur la séduisante image de Mademoiselle Breton? Il venait de se souvenir que pendant le dîner, sa femme avait tenu sur la bourgeoisie et en général sur tous ceux qui n'étaient point nés, comme elle disait, une conversation qui dans d'autres circonstances, sans l'affection sincère qu'elle avait vouée à la jeune fille, aurait pu quelque peu la froisser. Puis, bientôt son esprit s'arrêta, comme accroché dans sa course à la pensée de son élève. Il en ressentit une imperceptible émotion bien vague, mais qui cependant n'était point sans le troubler. Il essaya de s'y soustraire, prit un livre, s'assit à sa table et commença de lire. Mais les lettres, comme autant de petites marionnettes noires, dansaient devant ses yeux. Il prit alors le parti de se coucher, éteignit ses 2 bougies. Le sommeil, dans lequel il cherchait la fin de son obsession, ne vint pas. Maintenant, le tempérament du poète avait pris le dessus, il entra dans le domaine du rêve et s'y maintint tout éveillé jusqu'au jour. À la fin, le corps eut raison de l'esprit et il s'endormit comme une masse. Il était 8 heures lorsqu'il perçut une voix flûtée qui lui disait du parc. « Monsieur de Soutis, votre élève est prête, dormez-vous encore ?» Le marquis s'était endormi avec le nom de Julie aux lèvres, c'était Julie qu'il réveillait. Il se leva, sonna un domestique, donna l'ordre de prier Mademoiselle Breton de vouloir bien attendre quelques instants, fit sa toilette et s'habilla en hâte. Il trouva en bas sur la pelouse la jeune fille, le visage souriant, et lui tendit la main. « En route, » dit-elle, « en route. » Ils contournèrent le château, y arrivèrent au petit bois en bordure sur la pièce d'eau. Ni l'un ni l'autre n'avait proféré une parole. Le marquis rompit le premier le silence. « Voilà le théâtre du drame où ma fille a failli perdre la vie, » dit-il, en montrant l'eau profonde que moirait légèrement le souffle assez vif d'une matinée de septembre. Vous pourriez ajouter, et la marquise aussi, répliqua Julie. Je ne l'avais pas oublié, fit Monsieur de Soutis. Mais le souvenir de sa femme rappelé par Mademoiselle Breton lui causa une certaine gêne. L'accident est déjà loin, ajouta Julie. Il nous a causé à tous trop de vives émotions pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Même lorsqu'il s'agit de rappeler l'intrépidité et le courage de votre frère. Loin de moi la pensée de diminuer la valeur de Valère et l'importance de son acte de dévouement. Il n'a fait cependant qu'obéir au plus sacré des devoirs, celui que la reconnaissance nous impose. Tant de gens s'y soustrairaient. Comme vous êtes philosophique ce matin, mon cher maître. Ce beau soleil devrait pourtant vous mettre en gaieté. Il n'est pas bon de faire le jour de la nuit. Le marquis, tout surpris, la regarda bien en face. Qui vous a si bien tenu au courant ? La petite lumière révélatrice, filtrant au travers de vos volets. Vous voyez qu'il n'y a là pas grand mystère. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu l'apercevoir. Vous vous promeniez donc dans le parc, quand tout le monde dormait au château. Excepté vous, et moi. Figurez-vous qu'une fois monté dans ma chambre, je me suis aperçu que le sommeil se refusait à venir. J'ai repris à tâtons l'escalier, et j'ai fait une promenade poétique sous le ciel criblé d'étoiles. C'est de la sympathie ou je ne m'y connais pas. » Toutes ces choses dites par la jeune fille d'un ton simple et dégagé allaient droit au cœur du marquis, comme si elle les eût soulignées d'une intention malicieuse. Il se prit à rêver de nouveau, entièrement occupé de son compagnon de route. Ils gagnèrent ainsi la haute futaie au centre de laquelle se trouvait leur sujet d'étude, au lieu appelé Chantoiseau. Une fois installés, ils reprirent l'ébauche commencée en observant un parfait silence. Julie travaillait avec application. De temps à autre, M. de Soutis quittait son chevalet pour regarder comment se comportait l'ébauche de l'élève. Chaque fois qu'il se baissait au-dessus de son épaule, il sentait, ce qu'il n'avait jamais senti auparavant, la chaleur tiède de cette peau virginale lui montait au cerveau comme une griserie. En détournant vivement la tête, une des mèches rebelles de Julie vint caresser sa joue. Un tressaillement lui parcourut tout le corps. Il se rassit aussitôt, mécontent de lui-même, mais le travail auquel il demandait une distraction lui fit défaut, comme l'avaient fait la lecture et le sommeil. Il pensait qu'il était temps d'arrêter l'absorption que Julie avait si rapidement fait de son être. Ce serait trop bête d'être amoureux à son âge, et amoureux de qui? Presque d'une enfant. Et amoureux, pourquoi? Avec quel résultat final en perspective? Décidément, il était fou. C'était vraiment pitié, ou sujet de risée, que de voir ses 50 ans, l'automne, presque l'hiver, épris des 18 années de Julie, le printemps. Où en était-il donc arrivé pour discuter lui-même une aussi improbable hypothèse? Faudrait-il qu'il fût, jusqu'au jour de la caducité, victime de ses rêvasseries de poète? Et puis, en supposant que l'amour soit permis entre deux êtres d'âge si disparate, encore serait-il nécessaire que le plus jeune fût consentant? Consentant à quoi? À se donner? Mais Julie était la plus sainte et la plus chaste des filles. C'était l'outrager de cruelle façon que de soupçonner son honneur et de la croire capable d'y faillir. Encore, s'il avait été libre, si la marquise, et pour la troisième fois il se surprit à mettre sa femme en cause lorsqu'il pensait à Julie, si la marquise, mais il devenait infâme aussi bien pour celle qui, depuis près de 20 ans, vivait à ses côtés comme la plus sainte des femmes et la meilleure des mères, que pour cette jeune et délicieuse créature qui lui avait été confiée. Allons, il chasserait ses vilaines hantises pour n'y plus revenir. Julie, cependant, finit par s'inquiéter du silence du marquis et de la contraction de son visage que, de temps en temps, elle surprenait d'un regard furtif. Elle ne pouvait s'imaginer qu'elle en fût la cause. Aussi, elle continua ses coquetteries pour arriver plus tôt à un but atteint déjà. « Monsieur le marquis, c'est fort laid de bouder ainsi son élève. Votre courtoisie habituelle me met en droit de révolte. Depuis hier, avez-vous quelque sujet de chagrin, ou mieux encore, mes mauvaises dispositions pour la peinture mettraient-elles au désespoir un maître tel que vous? Ne riez pas, ma chère petite, ne cherchez pas un chagrin qui n'a pas sa raison d'être, mais pardonnez aux nuages noirs qui viennent de traverser sa pensée. Je suis bonne princesse, et je pardonne à la condition toutefois que cette vilaine moue, qui grossit vos moustaches, sera remplacée par le sourire bienveillant auquel je suis faite. » Monsieur de Soutis regarda fixement la jeune fille. Il tenta de changer de physionomie, mais son effort tourna contre lui. De grosses larmes roulèrent lentement sur ses joues. Mademoiselle Breton, d'un mouvement rapide, se leva, pria deux mains la tête grisonnante du marquis et déposa sur son front un baiser qui, voulant être consolateur, fut tout vibrant d'amour malgré lui. Au contact de ses lèvres fraîches, d'un coloris de framboise, le marquis se releva comme au contact d'un fer rouge. S'il ne s'était retenu, il aurait crié. Devant son désarroi, Julie, joyeuse de sa mutinerie, égrena les perles d'un rire sonore et franc. « Qu'avez-vous maintenant? Est-ce que je vous ai fait peur? Décidément, vous n'avez pas mon caractère ce matin. Traiter ainsi en ennemi une pauvre jeune fille qui vous aime tout plein et qui voudrait chasser la tristesse de votre front. Allons, le baiser est un mauvais remède. » Monsieur de Soutis ne pouvait plus y tenir. Le ton mi-gouailleur, mi-affectueux de la jeune fille, ses reproches dont il s'exagérait la portée, anéantirent les résolutions de réserve qu'il avait prises. À son tour, il s'empara des mains de Julie, les couvrit de baisers passionnés. « Mais embrassez-moi donc tout à fait, » dit Mademoiselle Breton, la tête haute et offerte. Il saisit sa frêle taille dans ses bras vigoureux et, poitrine à poitrine, bouche à bouche, il l'embrassa longuement, follement. « Vous m'aimiez donc ?»« À la folie !» répondit Monsieur de Soutis. Julie resta muette devant cet aveu. Le marquis, maintenant, ne se pardonnait plus sa faiblesse. Il sentait la ruine de son bonheur, l'évanouissement de son repos, sa maison perdue. Il s'était livré lui-même, comme un enfant, aux griffes du sphinx. Il ne fallait plus concevoir l'espoir de s'en échapper. Mademoiselle Breton, au contraire, éprouvait au-dedans d'elle la satisfaction irritante d'un triomphe qu'on ne peut pas montrer. Le mariage de son frère avec Mademoiselle de Soutis ne dépendait plus que de sa volonté, et l'heure de la vengeance qu'elle voulait tirer des fiertés de la marquise, de sa morgue méprisante, allait sonner enfin. Leur tour au château fut lent et silencieux. Julie mit tout en œuvre pour sortir Monsieur de Soutis des pensées dans lesquelles il était profondément absorbé. Elle avait accepté la déclaration du châtelain sans étonnement ni révolte. Elle tint, par son attitude, à lui marquer qu'elle ne pouvait lui en vouloir. « Les femmes et les jeunes filles surtout, dit-elle en manière de conversation, ne sont-elles pas toujours sensibles à un aveu d'amour, que leur plaisir soit apparent ou non ? Et quoi ? Vous vous en voudriez, chère et généreuse amie, de m'avoir fait connaître le fond de votre cœur quand je vous ai tant prié de ne rien me cacher ? Mais votre confidence, loin de m'offenser, a pour moi, du moins, l'attrait d'une chose nouvelle. Vous êtes le premier, monsieur le marquis, qui m'ait dit qu'il m'aimait. » Elle ajouta avec une mine peu convaincue. « L'événement, du reste, n'a rien qui doive tant me surprendre. Qui peut faire attention à une petite bourgeoise comme moi, simplement élevée, sortant à peine du couvent, et dont la maigre dot en cette époque d'argent n'est point faite pour attirer les prétendants ? Donnez-moi la main, et merci encore. Vous voyez, je ne suis pas farouche. Je ferai, au contraire, tout ce qui dépendra de moi pour que vous ne soyez pas trop malheureux. » Ces dernières paroles touchèrent le marquis, qui remercia la jeune fille d'un regard doux, suppliant, tout plein de caresses et de reconnaissance. Et comme ils témoignaient le regret de ne pouvoir continuer leurs promenades et leurs études quotidiennes, l'aveu qui lui avait échappé les rendant impossibles, Julie lui répondit « Impossible, pourquoi ? La seule personne de qui elle dépend, c'est moi. Or, je suis sûre de vous comme de moi. Qui donc nous empêcherait de reprendre nos leçons ? N'êtes-vous pas le plus galant et le plus loyal des hommes ?» Le lendemain, au moment du départ, M. de Soutis témoigna le désir de chercher un autre site, sous le prétexte que celui qu'ils avaient choisi et auquel ils avaient travaillé présentait de trop grandes difficultés d'exécution, non seulement pour une commençante, mais encore pour un peintre rompu au métier. « Je crois plutôt, dit Mademoiselle Breton, que le souvenir de votre franchise d'hier est attaché à ce paysage inoffensif, que vous rendriez volontiers responsable de votre prétendue faiblesse. Ce lieu, au contraire, m'est précieux, et je serai bien heureuse de le revoir encore. « Alors, retournons-y, » fit Monsieur de Soutis. Et cette fois, il marchait résigné. Une grande tristesse l'avait envahi. Il savait bien que son amour pour Julie lui avait fait au cœur une blessure qui resterait éternellement ouverte. À son âge, après surtout la tranquillité d'une existence uniforme, toute affection tardive était d'autant plus sérieuse qu'elle apportait avec elle en même temps que le charme de la nouveauté, l'attirance du fruit défendu. Il avait passé une nuit horrible, sans sommeil, roulant dans son esprit mille projets divers, se contrecarrant les uns les autres. Aucun raisonnement, aucune philosophie ne pouvait l'apaiser. Il était entraîné par un courant irrésistible dont il devenait la chose inerte et sans défense. Ce psychologue, à l'âme vibrante, n'ignorait pas qu'il n'y avait maintenant que deux remèdes à son mal, remèdes plus terribles que le mal lui-même, un dégradant concubinage, au cas où Mademoiselle Breton s'y prêterait, ou la mort. Et cependant, il finissait par se faire à cette idée, qu'il avait révoltée d'abord, que Julie serait peut-être un jour sa maîtresse. C'était justement dans les progrès rapides de cette pensée hypothétique qu'il constatait le désarroi de sa conscience. En songeant ainsi, ils arrivèrent à la petite maison de garde. Pendant le trajet, Julie, de son côté, était fort préoccupée. Elle soupçonnait bien le trouble dans lequel elle avait jeté son compagnon. Sa nature raffinée suivait depuis longtemps les phases de cette foudroyante passion et elle en subissait le contre-coup. N'avait-elle pas tout fait pour l'éveiller, ne voulant s'en servir que comme d'une arme ? Mais voilà que par un effet singulier, cette arme lui faisait peur. Ce n'était point qu'elle craignît un acte de violence de la part de sa victime, mais la victime maintenant l'intéressait. Elle se sentait coupable. En voyant l'attitude taciturne de M. de Soutis et l'altération de ses traits, le changement de caractère qui s'était opéré en lui depuis 2 jours, elle s'accusait et éprouvait un réel intérêt, d'où n'était point exclue une amitié particulière. Le marquis, malgré ses cheveux gris, avait conservé l'apparence jeune. Sa vie paisible, passée presque entière à l'air vivifiant de la campagne, sans secousses violentes, sans chagrin profond, à l'abri des orages du cœur, lui avait laissé dans l'âge mûr, avec la vigueur de son tempérament, la fraîcheur de ses impressions. Aussi son visage s'en était-il ressenti. Il avait encore la fière beauté qui séduisit Mademoiselle Alix de La Roche-Cesson. Le marquis pouvait facilement se rajeunir de 10 années. Julie s'en voulut des changements dont elle était la cause. Pour se faire pardonner, elle devint plus attentionnée, plus caressante. Le marquis lui en sut gré et ressentit, quelques instants du moins, un soulagement au mal qui le terrassait et contre lequel il était sans force pour réagir. « Si nous déjeunions tout de suite, mon cher ami, dit-elle, avant de nous mettre au travail, à votre gré. » Ils pénétrèrent dans la petite maison et demandèrent qu'on leur préparât leur repas. Le garde forestier mit le couvert d'un air embarrassé. La jeune fille, s'apercevant de sa gaucherie, l'aida dans cette besogne ménagère. Avec sa mutinerie habituelle, ses gentillesses d'enfant gâté, elle prit les assiettes à coque du dressoir, ouvrit le buffet, en sortit la viande froide qui leur était réservée. Elle souleva le lourd couvercle de la huche, saisit de ses petites mains une miche de pain bis aux dimensions de meule, pendant que le bonhomme, devant la rapidité de celle qui jouait à ravir son rôle de fermière, s'excusait, en marmottant, de la laisser faire. « C'est que voyez-vous, ma belle demoiselle, la bourgeoise est partie ce matin, dès le fin jour, pour porter au marché de la ville une douzaine de volailles grasses et des œufs. Elle ne reviendra que sur le coup de 6 heures. Elle m'avait bien dit ce qu'il fallait faire, où je trouverais ce qu'elle avait préparé depuis hier pour le déjeuner de monsieur le marquis et pour le vôtre. Mais depuis le temps qu'elle tripote tout dans la maison, j'ai perdu l'habitude et puis, pour parler franc, je ne croyais pas que vous mangeriez si tôt. » Monsieur de Soutis souriait en voyant Julie, vive et entendue, aller et venir, en personne experte, comme si elle connaissait depuis longtemps les êtres de la maison. Le garde descendit au cellier et en rapporta le vin qu'il plaça sur la table. « Il faut encore m'excuser, monsieur le marquis. Je vais être obligé de vous laisser seul. Je dois, dans 1 heure, me rendre chez le juge d'instruction et j'ai 2 bonnes lieues à faire. C'est toujours la faute à ces sacrés braconniers. La forêt en est empoisonnée. Vous ne vous faites pas idée du tintouin que m'occasionnent tous ces mauvais bougres. Aussi, quand j'en pige un, son affaire est bonne et il paye pour les autres. » « Eh bien, partez, » fit monsieur de Soutis, « partez sans remords. Vous voyez bien que, grâce à mademoiselle, nous pouvons nous passer de vous. Faites excuse, monsieur le marquis, j'ai encore un petit service à vous demander. Voici la clé de la maison. Ce serait-il un effet de votre bonté de vouloir bien fermer la porte à double tour, quand vous vous en irez, et de l'accrocher au clou placé derrière le volet de droite en sortant ? Maintenant, bon appétit, la compagnie, j'ai bien l'honneur de vous saluer. » Ils restèrent en tête à tête. Pour la première fois, Julie éprouva une certaine gêne de se voir seule en face du marquis. Elle parla beaucoup, forçant la voix, exagérant son rire, pour chasser cette impression, et comme s'il avait besoin de se donner du courage. Monsieur de Soutis ne comprenait rien à ce déluge de paroles dites sans nécessité. Il examinait d'un œil tendre et étonné cette gracieuse petite personne qui devenait tout à coup pour lui un être mystérieux. Et tout en causant, Mademoiselle Breton regardait la pièce où il se trouvait. Elle se tut bientôt pour continuer plus attentivement son examen. Tout, dans la modeste habitation du garde forestier de Chantoiseau, semblait de sa part l'objet d'une attention minutieuse. Rien ne passait inaperçu. Une cheminée au large manteau où s'étageaient superposés des fusils de chasse et un vieux fusil à pierre. Au côté opposé, une tête de cerf avec son bois d'où pendaient des poires à poudre, des carniers, des gourdes et 2 trompes au cuivre brillant. Un cadre, enfin, entourant une naïve aquarelle, attirèrent son attention. L'aquarelle même excita subitement sa joie. Le marquis la regarda à son tour. Elle représentait un salon de terpsichore dans lequel des soldats aux pieds minuscules et effilés faisaient des ronds de jambes et prenaient, les bras en l'air, sous l'œil d'un maître à danser de régiment, une leçon de danse prétentieuse. Le professeur, en haut bonnet de police, la figure rogue, comme à l'exercice, commandait les mouvements. Dans les marges, à droite, un trophée de sabre, de canon et de boulet. À gauche, un amour vineux. Au-dessus, on lisait ces mots d'une calligraphie enfantine, honneur et patrie, et plus bas, gloire à Terpsichore. C'était le brevet de danse obtenu par le garde en l'an 1821, comme l'indiquait la date que précédaient 3 ou 4 signatures. Le déjeuner fini, elle se leva de table, et comme poussée par l'irrésistible curiosité des femmes, elle entra dans la pièce voisine, chambre à coucher du maître du logis. Le lit, haut sur pied, à colonnes, était entouré de rideaux d'indienne imprimés et couvertes de grands ramages. La courte pointe et le lambrequin plat qui couraient autour des 4 côtés de ce monument étaient d'étoffe pareille. À la tête du lit, un crucifix d'ivoire ancien avec le buis béni de tradition. Devant la fenêtre, le long du mur, une commode chargée de menus objets, coquillages, serres en verre filé, boîtes plaquées, au milieu desquelles trônait sous un globe la couronne de fleurs d'oranger jaunie. Et puis ça et là, dans la symétrie du panneau qui surmontait ce globe, des lithographies. Le pont d'Arcole, Saint-Jean d'Acre, Kléber et son sabre recourbé, une reproduction coloriée de la Smala d'Horace Vernet, et des pipes de toute forme et de toute longueur. Tout cela était net, propre, luisant, astiqué. Julie appela le marquis, resté assis à la table, rêveur et plus préoccupé que jamais. « Venez, mon cher ami, venez voir le sanctuaire de ces braves gens, comme c'est tenu et rangé, comme tout respire l'honnêteté et le calme. Malgré moi, cet intérieur rustique et rococo me fait songer aux vieux amoureux de la fable, Philémon et Baucis. Leur vie est au déclin, sans qu'un nuage ait passé sur le ciel de leur bonheur. C'est le soir d'un beau jour. Cet ensemble calme et démodé, avec son imagerie ridicule et cette pieuse et ironique fleur d'oranger m'émeut et m'attriste à la fois. Décidément, les simples auxquels Jésus a promis le paradis commencent à le connaître sur cette terre. » Monsieur de Soutis, attristé, approuvait de la tête ce que disait la jeune fille. Il ajouta « Oui, ils sont heureux ceux qui ont vécu côte à côte, en communion d'amour, assortis l'un à l'autre par l'âge, par les goûts, n'ayant à deux qu'un cœur, qu'une seule pensée. Tout dépend du début, c'est là la clé de voûte de notre existence. Vous voilà encore plongé dans vos idées sombres. Le bonheur des autres vous fait-il donc envie ? Je tente cependant de vous rendre un peu de votre joie d'autrefois. Ce que vous appelez ma joie d'autrefois, Julie, n'était-je, m'en aperçois aujourd'hui, que l'acceptation pure et simple d'un fait accompli et du laisser-aller paresseux, d'un cœur s'ignorant encore, sans curiosité, comme endormi dans la monotonie d'une existence facile. Croyez-vous que nous ayons été créés pour cette satisfaction égoïste ? Elle est bonne tout au plus aux pauvres gens. Au risque de paraître commettre un sacrilège, je dirais que l'amour dépend des milieux et des éducations. Ce sentiment le plus beau, qui nous fait aptes aux grandes choses et nous élève, s'augmente en raison de la place que nous occupons sur l'échelle sociale. Dans l'ordre physique, les êtres les moins organisés, tels que les zoophytes, ne possèdent point les mêmes besoins, ni les mêmes instincts que ceux auxquels la nature a donné un organisme plus complet et qu'ils ont à satisfaire. Dans ces différences, réside la seule aristocratie que je connaisse. Oui, ils sont heureux, les braves gens qui habitent ce logis modeste, et j'accepte volontiers le tableau que vous faites, par supposition de leur bonheur passé et présent. Je n'y vois qu'une preuve de plus de ce que j'avance. C'est que ce bonheur n'est qu'en relation directe avec leurs aspirations. Aussi ne faut-il pas m'en vouloir de revenir à moi et d'établir une comparaison. Vous êtes donc bien malheureux. Plus malheureux qu'on ne peut l'être, ma pauvre enfant, parce qu'il n'existe aucun remède à ma souffrance. » Julie resta un moment silencieux, la tête baissée, son beau front coupé d'une ride comme si un combat terrible se livrait en elle. Mais cette attitude ne dura qu'une seconde. Elle releva, d'un geste décidé, la tête, et les yeux pointant droit dans les yeux du marquis, elle s'avança vers lui, et posément, en personne qui vient de prendre une irrévocable décision, elle demanda « Vous m'aimez donc beaucoup. » Le marquis baissa la tête. Puis d'un geste rapide, Mademoiselle Breton s'accrocha à son cou et répondit « Moi aussi, je vous aime. » Ce fut entre eux une succession de baisers pris et rendus. Monsieur de Soutis serra dans ses bras la taille souple de Julie, dont le corps inerte s'abandonna complètement en une pâmoison extatique. Le soleil descendait à l'horizon et ses derniers rayons, passant au travers des arbres du carrefour de Chantoiseau, mettaient des flammes d'incendie aux petits carreaux de la fenêtre. Un baiser enfiévré les enlaça encore et simplement, sans remords, le front haut, Julie donna le signal du départ. Ils prirent leur bagage de peintre, sortirent de la maison dont Mademoiselle Breton, pour se conformer à la recommandation du garde, ferma la porte à double tour et plaça la clé à l'endroit indiqué derrière le volet. Le marquis était maintenant tout à son bonheur. Julie marquait une joie plus réservée. Comme son compagnon s'en apercevait, elle dit simplement, avec un regard sérieux et cependant plein de caresses, « Ne suis-je pas femme maintenant et forcément raisonnable ?» Quand ils parurent à la grille du château, Madame de Soutis quitta la tapisserie à laquelle elle travaillait, se leva de son fauteuil renversé et alla à leur rencontre. Elle embrassa son mari et tendit à Julie une main amicale. « Je n'étais pas sans inquiétude, » dit-elle. « Vous avez dépassé l'heure habituelle de votre retour. Il ne vous est pas survenu, au moins, quelque accident qui motive cette longue absence. » « Que voulez-vous qui nous a survenu de fâcheux ?» reprit M. de Soutis avec une imperceptible pointe de mauvaise humeur qu'il ne put déguiser. C'était la première fois qu'il parlait ainsi à sa femme. Il lui en voulait de son baiser d'accueil donné devant Julie. Madame de Soutis ne prêta aucune attention à ce petit incident. Elle reprit. « Voyez donc, ma chère Julie, ce que les ouvriers sont en train de faire de la pelouse. » En effet, une vingtaine d'hommes travaillaient avec ardeur. Les uns clouaient, à grand renfort de coups de marteau sonores, le plancher destiné à la salle de bal, qui devait être placé au milieu du gazon entre les deux allées de tilleuls. D'autres creusaient dans l'herbe des trous profonds, tandis que leurs camarades dressaient des madriers destinés à supporter la toiture. Tous ces hommes étaient en plein travail de ruche, sous la surveillance de barricans. Sous les tilleuls, de longues tables établies déjà avec leurs bancs parallèles couraient sur le sable des allées. De place en place, des chantiers tout préparés attendaient des fûts de cidre, de bière et de vin. « Retournez-vous, » dit la marquise, « et regardez encore. Vous voyez qu'on ne perd pas de temps. » Et du doigt, elle montra le plat et léger échafaudage dressé contre la grille du parc et qui n'attendait plus que les différentes pièces du feu d'artifice. « J'avais, » dit le marquis, « demandé à l'architecte de diriger ses travaux, dans la crainte qu'il n'arrive quelque accident à nos ouvriers improvisés. » « Est-ce que Valère n'était pas là ?» Monsieur l'ingénieur a bien voulu descendre des hauteurs de sa situation pour se travestir en simple maître charpentier, répondit la marquise. Encore un aristocrate de l'esprit qui sait au moins faire litière des préjugés, dit en riant son mari. Julie sourit à cette petite malice lancée à la marquise, qu'il accepta, du reste, de fort bonne grâce. Le facteur apparut, interrompant cette conversation. Pour qui les lettres ? Firent Maurice et Lucien qui, en ce moment, ayant fini leur travail de la journée, sortaient du vestibule. « Il n'y en a qu'une, elle est pour moi, » s'écria Mademoiselle Breton, qui avait repris sa belle humeur coutumière. « Elle est de maman. »« Et que dit-elle ? » demanda Valère, empressé. « Donne-moi au moins le temps de la lire. » Puis elle ajouta. « Maman annonce son arrivée pour samedi matin, au train de midi. » « Encore 2 jours à attendre, » murmura doucement Marguerite. « Nous irons la chercher à la gare, » dirent Maurice et Lucien. Après une nuit passée dans le meilleur des rêves, M. de Soutis se leva le premier cette fois et se plaçant sous la fenêtre de Mademoiselle Breton. « Êtes-vous réveillée, belle endormie ?» Julie ouvrit tout grand les volets et montra son visage souriant dans l'encadrement fleuri d'un superbe jasmin du Cap. « Me voici, » dit-elle toute joyeuse. « Croyez-vous que j'ai, tout d'un coup, abandonné la peinture ?» « Je suis plus tenace que cela dans mes affections, monsieur le marquis. » Mais de fait, elle avait peu dormi. Les événements de la veille où son honneur avait succombé, beaucoup plus par entraînement que pour parfaire le plan arrêté entre sa mère et elle, l'avaient tenue longtemps éveillée. Non point qu'elle s'en repentît, mais dans son cerveau toujours en travail, elle supputa ses conséquences pour l'avenir. Avant de regagner sa chambre, elle était entrée un instant dans celle de Marguerite, puis dans celle de Valère, pour leur dire, en même temps que le bonsoir, les progrès que faisait leur mariage et la presque certitude d'une réussite prochaine. Une fois couchée, malgré la satisfaction qu'elle éprouvait de leur avoir donné cette bonne nouvelle, elle chercha vainement le sommeil. Ce n'est que vers 5 heures du matin qu'elle put prendre quelque repos. Elle descendit et rejoignit M. de Soutis. Dès qu'ils se furent engagés dans les 3 sentiers du petit bois, et se sentir éloignée de tous les regards, Le marquis et Mademoiselle Breton tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Une douce étreinte les unit longtemps. Grâce à vous, la meilleure et la plus charmante, j'ai trouvé le calme qui m'avait fui, dit-il. Votre angélique et délicieuse image ne m'a pas quitté. Vous m'avez appris que le bonheur dont je doutais n'est pas un fantôme. Aussi, quelle profonde et inaltérable reconnaissance ne vous ai-je pas avouée. Vous avez apporté la lumière dans ma nuit et la joie dans mon âme endeuillée. Merci, ange, fée, être d'essence supérieure, qui avait revêtu la plus pure et la plus exquise des formes terrestres pour m'apprendre l'amour, faire vibrer mon vieux cœur et me tirer du néant, car avant vous, je n'ai pas vécu. Et le marquis, amoureux comme un poète de 20 ans, baisa fiévreusement les mains de sa chère petite amie, qui, un peu confuse, dans une inclinaison de sa gentille tête où sa nuque délicate paraissait dans son suave contour, écoutait, attendrie, ce langage ardent et recevait ses baisers si délicieusement donnés. « Merci, » murmura-t-elle tout bas. Lui reprit. « Mais à quelle sélection d'êtres appartenez-vous donc? Quel génie a présidé à votre naissance astrale? De quel monde lointain est sortie votre âme si parfaite? Comment échapper à votre surnaturelle influence? N'est-ce pas elle qui rend meilleur tout ce qui vous entoure? Cher ami, l'amour vous aveugle et vous fait marcher dans le rêve. Je ne voudrais pas vous causer maintenant surtout la moindre peine, mais je serais heureuse de vous voir descendre dans la réalité. Que votre bonheur soit plus terrestre, il échappera à cette chose vilaine qu'on appelle l'égoïsme. Pour dire vrai, je veux vous éviter les désillusions du réveil, lorsque vous vous apercevrez que la fée, l'ange, ne sont qu'une même et petite personne, qui n'a pour elle que l'amour qu'elle vous a donné. Si vous saviez, comme moi aussi, j'étais touché par votre cœur. Le bonheur que j'en éprouve me ferait peur si je ne pensais pas au bonheur des autres. Que voulez-vous dire ? À ce moment, elle passa son bras dans celui du marquis, s'y appuya câline comme pour s'y réchauffer au contact de son corps, et comme si elle voulait y protéger sa faiblesse, elle répondit « Quel grand poète vous faites ! Insoucieux, passant dans la vie sans rien apercevoir. À côté de notre roman qui commence, il y a une délicieuse histoire d'amour dont vous êtes le témoin constant et que personne n'a su deviner au château. Je ne pense qu'à vous, mais contez-moi cette histoire. Comme bien d'autres, elle se résume en 2 mots. Valère Breton aime votre fille et Marguerite aime Valère également. Il y a longtemps que leurs cœurs battent à l'unisson, qu'ils vivent en communion d'espérance, nourrissant la pensée d'un mariage et s'étant, le jour où mon frère a sauvé votre fille, fait le serment d'être l'un à l'autre. Un refus peut causer leur malheur à tous les deux. » Le marquis de Soutise, tout absorbé par Julie, ne s'étonna même pas de cette confidence. Il répondit spontanément « Et ce mariage comblerait vos vœux ? Il mettrait doublement la joie dans mon âme, non seulement à cause de moi, mais encore et surtout à cause de ces 2 êtres si faits l'un pour l'autre, et qui m'ont tous 2 choisi pour confidente de leur amour et de leurs espérances. Soyez en joie, vous, la plus généreuse créature de Dieu, leur union me convient. Nous ne devons pas être seuls heureux en ce monde. Je veux vous embrasser pour votre ineffable bonté, et voudrais pouvoir même embrasser votre cœur. Vous êtes bien tel que je vous avais pressenti, mais pardonnez la gêne que j'éprouve en vous disant qu'il y a un autre consentement nécessaire à ce mariage. Ce consentement ne me laisse pas sans quelque inquiétude. » Le marquis serra contre lui Mademoiselle Breton, et dans un mouvement d'exaltation qu'elle ne lui avait jamais vu, il dit, en insistant sur chacune de ses paroles, « Ma volonté, à défaut de l'autre, suffit. Valère et Marguerite se marieront. Le bonheur, je le sais, après mes souffrances endurées, est chose trop rare ici-bas pour qu'on le sacrifie aux conventions et à l'esprit de caste dont on pourrait arguer. Votre noble frère épousera Marguerite. » Julie admira son amant. La pensée même de la situation qu'elle avait maintenant auprès du marquis, les circonstances pour le moins singulières dans lesquelles elle faisait une semblable demande, ne lui vinrent pas à l'esprit. Quant à M. de Soutis, aveuglé par la passion, il suffisait que Julie témoignât le moindre désir pour le satisfaire aussitôt, faisant abandon de tout. Quelqu'un lui aurait raconté autrefois sa propre aventure comme survenue à un autre, que la droiture de son cœur se serait révoltée et qu'il aurait considéré comme immoral un mariage consenti dans des conditions analogues. Mais il n'était plus lui, Un homme nouveau, affolé d'amour, que la passion, une passion irrémissible, avait étreint sur le tard, remplaçait l'homme ancien qu'on citait comme modèle d'honneur, de générosité, d'éducation et d'esprit chevaleresque. Durant le trajet, il ne fut plus question de Valère ni de Marguerite. Ils étaient tous les deux trop occupés d'eux-mêmes. Cependant, en arrivant à la demeure du garde, Julie se sentit prise d'émotion en voyant la petite maison, témoin de sa faiblesse, où, de partie délibérée, elle avait sacrifié son honneur. Pour le marquis, cette habitation modeste, perdue dans les branches, devenait à jamais précieuse. Mademoiselle Breton pleurait silencieusement. Monsieur de Soutis s'en aperçut, d'un baiser sécha ses larmes, disant d'une voix inquiète « Vous ne vous repentez pas ?»« Je ne me repentirai jamais. » Ils installèrent leurs toiles et leurs chevalets. Avec quelle ardeur ils se mirent au travail. Ce site pittoresque, éloigné de tout, leur semblait à leur présente au bout du monde. Il était à eux, bien à eux. Leur bonheur en avait fait la conquête et s'y établissait en vainqueur. Combien ces grands arbres, tout remplis du chant des pinsons et des merles, ces hautes fougères largement ouvertes comme des ombrelles de vertes dentelles, cette maison de pauvre apparence à l'enclos retentissant des bruits de basse-cour, leur devenaient précieux. Aussi en consacraient-ils le souvenir chacun de son mieux. Ils devaient échanger leur étude. Au marquis revenait la toile naïve, inexpérimentée, de Julie. Son esprit la compléterait et la trouverait superbe, et lui donnerait la sienne, qu'il peignait avec tendresse. Au milieu de la séance, le garde et sa femme arrivèrent pour annoncer leur pas. Les braves gens, tout en marchant autour de la table pour faire leur service, s'excusaient de les avoir laissés seuls la veille. « On vous pardonne, » fit mademoiselle Julie Breton. « Et plus que vous ne croyez, » ajouta monsieur de Soutis, en contemplant son charmant vis-à-vis, dont les joues prirent subitement un incarnat pareil à la rose de Bengale piquée à son corsage, et que monsieur de Soutis, en l'attendant le matin, avait cueilli dans une des plates-bandes du château. Le curé du Crétois avait dîné au château. Il était venu donner les dernières instructions pour la cérémonie religieuse du lendemain. On passa au salon, où était dressée la table à jeu qu'on préparait chaque fois que le curé passait la soirée au tilleul. La partie s'engagea. Une partie de 31 à un sou. Marguerite, Julie, Maurice, Lucien et l'abbé entourèrent la table, s'apprêtant à sourire sous cap des émotions du saint homme qui défendait son malheureux sou avec âpreté. L'abbé était mauvais joueur et n'aimait point perdre. Par contre, il ne pouvait déguiser sa joie lorsque la chance était pour lui et que les sous s'engouffraient dans son vieux porte-monnaie luisant. Valère, enfoncé dans les profondeurs d'une bergère, prit les journaux qu'il lut sous la lumière de la lampe posée sur la cheminée. Le marquis de Soutis, qui se tenait debout près de la table à jeu, fit un signe à la marquise, et tous deux sortirent du salon. Ce signe et ce départ n'échappèrent point à mademoiselle Breton. Pendant que la partie était engagée, en bas, au-dessus, dans le boudoir de madame de Soutis, avait lieu un entretien des plus graves. En effet, monsieur de Soutis, pressé d'en finir, annonçait à sa femme la détermination qu'il venait de prendre. « Oui, ma chère amie, ces deux enfants s'aiment. Pour moi, je ne vois aucun obstacle à leur union. » La marquise était anéantie. Elle s'attendait si peu à une pareille nouvelle. Elle avait elle aussi arrêté depuis longtemps dans son esprit le choix du mari qu'elle destinait à Marguerite. « Ce que vous me dites, mon cher ami, d'une façon générale d'abord, renverse tous mes projets. J'arriverai ensuite à des considérations que vous serez le premier à comprendre, j'en suis sûr, quand je vous en aurai fait part. Sans vous en parler, et depuis longtemps, je destinais à notre fille le jeune comte de Maugiron, que vous connaissez, dont vous avez apprécié le caractère et la conduite pendant la guerre. Il est riche, bien fait de sa personne, et appartient à une famille ancienne dont toutes les alliances sont bonnes. Pas une tare, une succession non interrompue d'hommes d'épée. Monsieur de Maugiron, enfin, réunit à mes yeux les conditions de naissance et d'honneur qui le font digne d'entrer dans notre maison. Ce n'est donc pas sans un profond chagrin que je me verrai forcé d'abandonner une union pour laquelle je suis tombé d'accord avec la famille de celui qui sera notre beau-fils. À mon tour, ma chère Alix, laissez-moi vous faire part de ma surprise. Comment, sans me prévenir, peut-être même sans consulter notre enfant, vous complotez avec des étrangers et vous disposez d'elle? Ces Maugiron ne me disent rien qui vaille. Le père était un joueur qui a mangé une fortune dans des écuries de course et qu'on a dû bel et bien interdire. Quant au fils, cervelle creuse, officier conducteur de cotillons et ultramontains, comme on ne l'était pas, même au temps des croisades. Ce conducteur de cotillons s'est battu comme un lion et a reçu une blessure à Gravelotte. Oui, je sais cela, il a fait son devoir, le beau mérite, pour défendre le sol de son pays envahi. Mais Barrican aussi a fait son devoir, tout le monde a fait son devoir. Monsieur de Maugiron n'est pas tout le monde, et je trouve singulier le reproche que vous me faisiez, il y a un instant, de ne vous avoir point consulté pour le choix du mari destiné à Marguerite, lorsque, sans me demander avis, de votre côté, vous me choisissiez un gendre. Je vous en prie. Ma chère amie, n'envenimons pas le débat. Celle qui en est l'objet a droit d'exiger de nous le calme et la réflexion. Ne s'agit-il pas du bonheur de toute sa vie ? À ce moment, on entendait dans le salon la voix de l'abbé Bertillon qui, avec l'accent paysan dont il n'avait pu se défaire, criait tout haut « Puisque je vous dis, mademoiselle Julie, que j'ai fait 31 avant vous. »« Pardonnez-moi, monsieur le curé, » répondait Julie. « Vous n'avez point fait attention, mais Maurice et Lucien peuvent vous dire que j'ai abattu mes cartes la première. » Et le curé du Crétois, poussant un profond soupir, « Je veux bien, mais annulons le coup, car moi, je suis sûr que j'ai gagné. » La conversation reprit en haut. « D'accord. Je suis d'accord avec vous, mon cher Georges. N'envenimons pas le débat. Il serait d'abord étrange qu'après 20 ans d'une entente parfaite, nous commencions à nous quereller à propos de qui ? De notre chère Marguerite. Donc, vous avez choisi M. Valère Breton, et vous trouvez ce Valère Breton un gendre digne de nous et un mari digne de notre enfant. Que reprochez-vous à Valère ? Rien et tout. J'apprécie comme vous son intelligence, son cœur. Je ne m'occupe pas de savoir s'il a ou s'il n'a pas de fortune. Il est bien élevé, a une belle situation qu'il ne doit qu'à son mérite, et ce sera, j'en suis assuré, un excellent mari pour Mademoiselle Duval ou Mademoiselle Bertrand. Allons donc, vous y arrivez. Il serait le meilleur des gendres s'il avait un titre et une particule. C'est votre faiblesse à vous, ma pauvre Alix, de n'estimer les gens qu'au nombre de quartiers dont ils peuvent exciper. C'est notre perpétuel désaccord et nous recommençons les amicales escarmouches d'autrefois. Vous allez me dire que vous êtes plus moderne. Je suis moderne et je m'en vante. Mais là où je cesse de l'être, et où je deviens encore plus arriéré que vous, c'est lorsque je remonte à la création de l'humanité, et que je vous dis qu'il faut, avant tout et toujours, unir les êtres qui vivent en communion d'amour, parce que l'amour, qui leur sert de devise et d'égide, est un bouclier qui rend invulnérables ceux qui font le bonheur d'aimer. L'amour remonte à des origines bien autrement anciennes que la vôtre et la mienne. L'amour a commencé avec le monde, et est assuré de finir avec lui. Nous ne pouvons pas en dire autant de noblesse parcheminée. Or, la seule chose qui me préoccupe dans le mariage de Marguerite, c'est de savoir si elle aime déjà celui qu'elle a choisi. Et je dis choisi, parce qu'elle seule, en cette affaire, est juge de son cœur. Comment ? Vous voudriez lui imposer un choix dont, malgré elle, elle devrait subir toutes les conséquences sous la garantie de votre responsabilité à vous ? Allons, ma chère marquise. Laissons notre fille disposer de son cœur qui est bien à elle, et pas à nous, sans nous occuper ni des conventions modernes, ni des préjugés qui ont fait leur temps. Le seul contrôle qu'il nous soit permis d'exercer, c'est de savoir si l'homme que notre enfant a distingué, auquel elle veut lier sa vie, est un homme d'honneur qui est Valère. Vous avez donc sitôt oublié que c'est à lui que vous devez la vie de notre Marguerite, sans son intrépidité. Sans sa présence d'esprit, vous la pleureriez aujourd'hui. Si la reconnaissance vous pèse, si cette digne récompense d'un pareil dévouement vous semble exagérée, n'empêchez pas au moins notre enfant d'en témoigner noblement sa gratitude, lorsque cette gratitude est doublée de l'amour. Vous voici encore, avec vos grandes phrases, lancé à perte de vue dans des arguments que je connais si bien que vous, et qui ne sauraient me convaincre. Vous avez été toute votre vie un rêveur, mon cher Georges, vous nourrissant de chimères et ignorant le monde à l'heure présente comme au premier jour. C'est la situation de Marguerite que je défends, et pour la défendre, vous verrez quel acharnement j'y saurai mettre. » Le marquis se promenait à grandes enjambées dans le boudoir, lançant au plafond le mince filet bleu d'une cigarette d'Orient. en présence de l'obstination de sa femme et se rappelant la promesse solennelle qu'il avait faite à Julie, il crut le moment arrivé d'imposer pour la première fois sa volonté et au fond de son être. Il n'était pas mécontent de rompre avec une affection qui n'avait plus place dans son cœur et qu'en son exagération habituelle, il considérait maintenant comme coupable. Il s'arrêta net et élevant la voix, non sans quelque emphase, « Et moi, madame la marquise, je vous jure, quoi qu'il m'en coûte de contrarier vos goûts, je vous jure que ce mariage se fera. Vous m'éviterez d'avoir recours à des extrémités qui sont en dehors de mon caractère. » La marquise de Souty se redressa sous le coup. « Vous ne m'avez pas habitué, monsieur, à un pareil langage. Nous vivons en vérité à une époque où les rôles sont renversés. Je croyais, jusqu'à présent, que le soin de l'établissement d'une fille incombait surtout à la mère qui l'a élevée, qui ne l'a pas abandonnée une seule minute. Vous en jugez autrement. Que votre volonté soit faite. Rassurez-vous, les gens de Chicane n'auront point à s'occuper de notre dissentiment. Aucun tribunal ne sera l'écho des noms des deux Soutis, des de la Roche-Cesson, unis il y a 20 ans, dans un autre but que celui de servir de risée aux bourgeois avides de tous les scandales qui peuvent atteindre les gens de notre sorte. Je n'ai pu avoir raison de mon mari, j'espère qu'il en sera autrement de ma fille. » Elle se leva, pâle et digne, et sonna. Un domestique parut. François, priez mademoiselle Marguerite de quitter son jeu et de monter jusque chez moi. Lorsque la jeune fille entra dans la chambre, elle fut tout de suite inquiète de la pâleur livide de sa mère, de la contraction du visage de son père. En un tour de pensée, dans son intuition féminine, elle devina qu'il s'agissait d'elle et de Valère. « Assieds-toi là, mon enfant, et réponds avec calme à ta mère. » Le marquis intervint. « Permettez-moi de vous faire remarquer ce que cet interrogatoire a d'anormal et de pénible pour la pauvre petite. » Madame de Soutis ne daigna pas répondre. « Est-il vrai, Marguerite, que tu aimes M. Valère Breton ?» La jeune fille, sans se troubler, encouragée même par le regard bienveillant de son père qui semblait souffrir pour elle d'une situation aussi embarrassante, répondit simplement « Oui, ma mère, je l'aime. » « Et depuis quand ce beau sentiment ?»« Depuis le jour où j'ai vu M. Breton pour la première fois. » « Ainsi, c'est seul, de ton propre mouvement, sans y avoir été incité par personne, même par Julie, que tu as donné ton cœur à ce jeune homme ?» Marguerite allait répondre, mais son père interrompit. « Que vient faire Mademoiselle Breton dans le cas qui nous occupe ?»« Mademoiselle Breton est l'amie intime de Marguerite, sa confidente. N'est-il point naturel que, dans l'intérêt de son frère, qu'elle aime beaucoup, elle ait contribué à augmenter le penchant de votre fille pour M. Valère ?» Mademoiselle de Soutis répondit. « Ce serait calomnier, ma meilleure amie, que de l'accuser d'un pareil procédé. Ce qui a augmenté le sentiment que j'éprouvais pour le frère de Julie, c'est le courage avec lequel il n'a pas hésité à me sauver la vie au péril de la sienne. Et puisque vous voulez toute la vérité, ma chère mère, je vous avouerai qu'à partir de ce jour, j'ai prêté le serment sur cette petite médaille passée par vous à mon cou le jour de mon baptême, que je n'épouserai pas d'autre homme que M. Valère Breton. » « Tout cela est fort bien, mademoiselle, quoique je sois un peu surprise des ardeurs de votre cœur. Il paraît que je vous connaissais mal, mais ce que je cesse de comprendre, c'est votre silence. Ce n'est pas à mademoiselle Breton que vous deviez la confidence de votre amour, mais à votre mère, pour laquelle il ne saurait y avoir de secret. Je vous ai autrement élevée, et j'étais en droit de m'attendre à plus de confiance de votre part. Mais vous aussi, malheureux enfant, vous êtes d'une moderne, ajouta-t-elle dans un regard de dédain lancé au marquis. Au risque de passer pour une mauvaise fille, ce que je ne suis pas, vous le savez bien, ma chère mère, j'aurai le courage de mon aveu. Les principes dans lesquels vous m'avez élevé et qui vous sont chers étaient en tel désaccord avec le choix de celui à qui j'ai donné toute mon âme que je n'ai pas voulu. En vous faisant voir combien peu j'avais profité de vos maternelles leçons, vous causez trop tôt une désillusion cruelle. Et bien que la volonté de votre père soit faite, vous épouserez celui que vous avez cru devoir choisir, à moins que, suprême outrage, sa mère ne trouve quelque inconvénient à votre mariage. Dieu nous jugera toutes les deux, et qu'il daigne dans son ineffable bonté vous éviter les regrets que vous vous réservez peut-être pour l'avenir. » Puis se tournant vers le marquis, « Voilà, monsieur, le résultat des idées nouvelles. Grâce à elle, le bonheur de votre femme est à jamais perdu et votre fille dévoyée. » Monsieur de Soutis demeura silencieux. Marguerite, le visage dans son mouchoir, pleurait maintenant. Elle essuya ses yeux, alla à sa mère qui se laissa embrasser et elle lui dit « Pardonnez-moi si je vous ai offensé, et soyez convaincu de l'inaltérable affection que j'ai pour vous, la plus sainte et la meilleure des mères. »